pas qui me repasse. Je n'ai pas comme il y a la fratelle. Les miens, l'île qui les suit au père. Mais ce qui est, et pas l'islamo. Il a fait, nous les valets païens. Léo, Léo, vos destins de sang. De mille adresses, à Verona. La terre en enveloppe, et vos silences. C'est la nature et les forêts. Tout est l'air. Il n'y a plus un nectar sauvage pour chasser. L'air est suffocant. Ça pue. Ça le fait l'or. Le tour me frôle. On est en main.